Toujours à la même occasion, le séminaire et la conférence ont eu lieu les 10 et 15 courants au Népal et en Guinée. Helmi El Hadidi, président de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, a publié le 14 courant un entretien.